accueillons Franck Ferrand pour notre rendez-vous Un jour dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le 29 décembre et cela vous inspire quoi ? Ah ben ça c'est la grande date du Moyen-Âge, 29 décembre 1170, ça ne nous rajeunit pas. Non, effectivement. Ce jour-là, quatre chevaliers entrent dans la cathédrale de Canterbury, ils sont venus carrément tuer l'archevêque Thomas Becket. Alors pourquoi est-ce qu'ils lui en veulent à ce point ? Oh alors là ça c'est une vieille histoire. Après des études à Londres et à Paris, Thomas est devenu clerc. Assez rapidement, il a grimpé les échelons du pouvoir et en 1154, il est fait archidiacre et chancelier d'Angleterre par le roi Henri II, le nouveau roi Plantagenet. Il est militaire en même temps, il se bat avec courage sur les champs de bataille et enfin donc en 1162, c'est la consécration. Il est nommé archevêque de Canterbury à une époque où l'Église d'Angleterre n'est pas encore détachée de celle de Rome, hein, bien sûr. D'accord. C'est un poste ultra prestigieux néanmoins. Et c'est à ce moment-là que les choses commence à tourner mal. On peut rien vous cacher. Thomas Becket compte honorer sa charge. Ça implique de s'opposer au roi Henri II qui empiète sur les droits de l'Église. Il refuse que le frère du roi, Guillaume Plantagenet, épouse Isabelle de Varennes pour des raisons de consanguinité. Bref, le roi fait condamner Thomas pour son opposition. Thomas Becket va se défendre. Il doit aller se réfugier en France pour fuir la colère du roi d'Angleterre. Le pape tente de réconcilier les deux parties, il n'y arrive pas. Et finalement, Henri est menacé d'excommunication, il n'a plus le choix. Il accepte le retour de Thomas qui rentre donc à Canterbury au début du mois de décembre. Mais le roi, comme s'il pensait tout haut, si vous voulez, va lâcher devant la cour en public. Est-ce qu'il n'y aura personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ? Message reçu 5 sur 5. Quatre de ses chevaliers n'attendent pas un ordre plus officiel. Ils se rendent donc à la cathédrale de Canterbury. Ils veulent d'abord sortir Thomas de l'église, seulement comme celui-ci résiste, eh bien ils vont tirer leurs épées sur place et le tuer là. Il s'écroule devant l'autel, assassiné, baignant dans son sang au milieu même de sa propre église. Inutile de vous dire qu'il va devenir un martyr et un saint. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Pour quel thème ? Eh bien pour évoquer une des grandes disparues de cette année 2017, nous allons parler de Jeanne Moreau. Entendu. À tout à l'heure, Franck. Merci à vous.